mon chest, pis le reste en mes deux fesses. Pour moi, la Saint-Jean, c'est bien mieux que Smokefest. C-A-R-D-I, pis C-O-N-F-U-S. C-S-F, The Full D, qu'on lâche clip sans laisse. Un gros calibre qui blesse, qui prouve qu'on est les best. On est tellement fat, personne peut nous test. On rap le Québec, dans nos cœurs, dans nos dialectes. La preuve est dans ton tape deck, pis t'es pogné avec. Fait que la prochaine fois, tu promèneras dans notre secteur. Surtout, oublie pas, c'est qui les deux vrais rappers. W-B-P, les real beatmakers. Tout le monde nous aime comme on est, fuck le make-up. One, two, back up, c'est l'heure du hip-hop. Fait qu'on débarque à vos pop, t'en échappes ta calotte. Ton écharpe qui capote, pis tes bottes s'emportent. On est tellement hot, t'es mieux de changer de spot. Hey yo Québec, tu sais, voyou c'est passé. J'ai réveillé tout le monde, j'ai même appelé le QG. On m'a dit que j'étais addict, que j't'en ai trop panique. J'ai dit docteur, qu'est-ce qui se passe, on rend tout ménordique. À ça j'trip crazy, j'ai peur qu'on me traite d'expo. Pis j'suis pogné pour triper avec UB des expos. Pis pour tous nos adversaires, qui reste sûr qui vit. Quand qu'on va kicker nos shit, c'est pas sûr qui vit. Fait go go go, lancez compte pour un go habsco. Vrai Québécois, pas danseur à gogo. Moi j'te le dis chérie, un jour j'vais voter. Oui, puis j'vais finir par l'avoir, mon hostile pays. On peut prêter le tourneau, ça sur fléché, casquette des expos. Représentant du bleu, blanc, voilà que c'est mon drapeau. J'te fais une fleur comme Guy, j'te fais une fleur de lys. Pour mon pays, c'est une merveille comme Alice. J'ai qui aussi gravé sur une chaise. Fleur de lys sur une de mes deux fesses. C'est québécois, pour moi c'est ça qu'il baisse. C'est ça qu'il baisse, c'est ça qu'il baisse. J'ai qui aussi gravé sur une chaise. Fleur de lys sur une de mes deux fesses. Avec mon mic que j'break toutes les fakes. Même nos roommates ont peur qu'on les rape. Ils savent notre style is heavyweight. Worst come to worst, pis le pire ça va sur moi le first. Let's dans mes verse, ma vie est pleine de curse. J'ai vite en me foutant des avis. Pis c'est push, même game de faire des ennemis. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. C'est Wild MC, SF Double D. Peu importe qu'est-ce qui arrive, faut que t'écoutes qu'est-ce qu'on dit. Sinon on est plus que chèque qui rebondit. Pis là j'te dis qu'on est ici pour rap le QC. Q-U-A-B-E-C. Mais de manier mon B-I-C. Mon vocabulaire, mon A-B-C. C'est Wild MC sur le M-I-C. Hey au Québec, tu sais où c'était passé. J'me rappelle dans le temps, on avait une coupe Stanley. À ce temps ça a bien changé, on a plus nos nordiques. J'ai l'impression que je suis gelé comme on a gelé les ethniques. Christian du South Shore, tu veux me traiter de fake. J'me retourne dans le temps, des shorts pis de Blake. Pis pour toutes les autres toi qui vont me traiter de grenouille. J'parlerai pas de vos petits pénis ni votre manque de couilles. Check it, check it out bro, quand que j'arrive tu te parles. J'ai peut-être juste 4 buts, mais j'ai 50 parts. Pis pour toutes les MC, on est le Wild MC. Pis c'est le rap d'une game. On gagne les séries, c'est confus cardinal, des vrais cannibales. Les autres ont autant de skills que le bonhomme carnaval. Il était une fois perdu loin dans le bois. Wild MC, il vous dit à la prochaine fois. J'ai QC gravé sur une chaise. Fleur de lys sur une de mes deux fesses.